Je suis la chair, je suis la peau et je suis les os. Je suis la nouvelle manne et l'ancienne pourriture. Autour de vous, les arbres, les feuilles s'agitent. Elles frémissent dans le vent, sous ses assauts et accompagnant sa force, sa grandeur. Vous êtes égarés tels des fœtus. Les méandres des eaux semblent avoir achevé de noyer des gringolades. Les crépitements du passé se sont mêlés à ceux du futur. Vos esprits se sont mêlés aussi à ceux des eaux, à ceux du temps. Nikolaï a quelques couleurs, les couleurs que le vent qui a forci. Mais pas graduellement, vous n'avez pas ce sentiment, vous avez juste l'effort imprimé dans vos corps, dans vos chairs. Le vent de Samael qui souffle. Oui, c'est cela, c'est ce qu'a dit Nikolaï. Il l'a lu dans un vieux livre, un livre en usage. Le vent néfaste qui souffle sur les terres, on l'appelle le vent de Samael. Vous avez émergé en un point de jour, tous les quatre autour du bivouac, à vous affairer, les membres bourds, confus. Troublé par ses sentiments mêlés, par ses émotions, ses perles surnageant dans la boue, et ce décor inaccoutumé. Ici, la mangrove a laissé place à une forêt plus ancienne, où dominent des essences que les eaux tentent de transformer, de muer. Vos membres sont bourds et confus, ils ont subi l'effort tout le jour. Tout le jour, vous vous êtes affairés sous les directives pressantes du chef de l'expédition. Un temps de confusion, de trouble, où persistait cette tempête, ce nuage sombre qui pèse sur vos corps, qui pèse sur vos âmes, ce nuage sombre qui a affecté jusque au tréfonds de celle-ci pour les mêler, les troubler et effacer même le souvenir de la doctrine des pères de votre communauté. Ici, en ces eaux fangeuses, ce sont à peine des humains qui vivent, vivotent et s'aiment. Des saletés, des oiseaux de passage et les hommes qui vont avec. Des saletés qui souillent nos villages, des taches de désespoir, du goudron froid, des plumes tristes, des saletés. à cause de leur famille, de leur nombre, de leur manière de vivre, de leur manque, de leur absence de savoir-vivre, de leur crasse, de leurs dents, de leurs mains sales, de leurs vêtements, de leurs haillons, de leur peau. Nalion, c'est bien tout ce que tu penses en te remémorant les harangues de point défense, les recommandations faites par les doctes. Et pourtant, tu souffrirais bien de ne point avoir de doctes qui puissent diriger l'expédition, parce que celui que vous avez, Henri Fromage, est bien pénible. Herman, au travers des captations que tu as pu réaliser, car vous vous êtes élevé, vous vous êtes extirpé de la boue qui avait englué jusqu'à vos souvenirs au tréfonds de vos basques, qui avait pesé sur vous et vous avait réduit à l'état d'homme de peine, réduit à vos peines, à vos souffrances. Vos spéculations douteuses sur l'endroit où pourrait se trouver le Grammotruc. Ce n'est pas Nikolaï qui en charge l'expédition et toi, en tant que jeune bûcheron, tu as souffrir ces altermoiements, ces hésitations, ces triomphes grandiloquents. Il se tient toujours là où vous l'attendez le moins. Pour toi, Nalion, toujours à souffler sur le chemin, souffrir sur la route des moucherons, des insectes, de la vermine qui rongent les corps, troublent les esprits. Essuyez ces lorgnons tout embués par la chaleur étouffante qui vous a accablé au long de votre marche, de vos efforts. Puis ensuite, lorsqu'il a fallu dresser un nouveau bivouac, lorsque vous étiez enfin en vue de votre destination, et lui triomphant de dire « C'est grâce à moi si nous sommes arrivés ici, hein ?» Notre ami Nikolaï entendait nous jeter au creux de la vague, mais nous n'aurons qu'à attendre que cette tempête veuille bien finir, à l'abri des tentes que j'ai bien veillé à nous faire parvenir, car faut pas compter sur les petites mains, hein, Gaster. L'oublieux. Heureusement, je suis là, je veille. Ce docte, on lui confiera pas sa peau, mais c'est lui qui vous accompagne. Henri Fromage. Mais il n'est pas seul. Le vrai maître à la manœuvre n'est autre que Herbert Ernst, conservateur. C'est lui qui a su convaincre ses pairs au sein de la communauté de l'importance d'exhumer de quoi lire les supports antiques, d'orienter les recherches dans une nouvelle direction salutaire pour la communauté. Il a fallu néanmoins, et là c'est la méticulosité même de Nikolaï, malgré la souffrance que vous inflige Forêt, malgré les privations, les horions qu'elle a pu, dont elle a pu vous frapper sur ce chemin indécis qui n'a pas su imprimer vos mémoires, qui est venu tout droit plonger dans l'oubli, sur ce chemin qui n'est fait que de glissades, de peines, d'épuisement en somme. Vous avez su vous hisser jusqu'à ce plateau, au milieu des chênes, des écureuils et d'un peu moins d'eau. Vous souffrez d'acouphènes. La liaison avec l'antenne, la sentinelle de point défense est ténue, dure à accrocher. Il te faut toute la patience, tout ton savoir de maître opérateur radio. Pour dominer les sursauts de l'égrégore tout le jour durant, entre deux tâches assénées par le vétilleux Henri Fromage ou le non moins exigeant Herbert Hent, tu as calculé l'éloignement avec précision et tu as pu confirmer l'hypothèse avancée par Nikolaï. Vous êtes encore probablement fort loin de votre destination, ou alors ce sont les troubles et les changements du temps, des temps, qui t'ont conduit à cette conclusion. Lorsqu'enfin cesse, décroît plutôt, l'intensité de cette tempête sèche, ces vents d'égrégore qui vous assènent cette souffrance à laquelle la communauté vous avait dérobé jusqu'alors. Vous vous trouvez à presque nuit, assemblés autour d'un bivouac bien ordonné. Car je suppose, Nalion, que tu as veillé en tout point à ce que vous soyez préservés pour la nuit, à tout le moins, des assauts de la pluie. En même temps, si on demande aux autres membres de l'expédition de le faire, ce sera mal fait, donc forcément. Mais il t'a bien fallu quêter leur aide. Toujours promise, jamais vraiment présente, car ils ont tous leurs préoccupations, leurs marottes, leurs lubies, à compter, compulser, à l'abri de l'entretoise que tu viens à peine de dresser, à pester contre l'eau qui ruisselle et risque de souiller leurs vélins, leurs précieux papiers. En même temps, s'ils m'aidaient à monter le camp plus vite, ils n'auraient pas ce genre de risque. Il n'est nul lubie. Il n'est nul intérêt personnel. Il est là, il est là la seule et unique cause. Notre cause. La cause. On retourne à tes vélos, toi. Du prolétariat. Ainsi, il nous faut, nous, prolétaires, toujours plus produire, sans se soucier des ennemis du peuple comme de ton espèce. Soit, mais sans moi, tu serais probablement pas dans cet état. Donc concentre-toi sur ton boulot, Je me concentre sur le mien. Je me mets à aider... Une alien ? Oui, c'est exact. Il est là une offense que tu paieras cher de retour c'est à la base. Mais vous avez heureusement de quoi vous apaiser les âmes éreintées par le temps orageux. La tempête, celle-ci physique, les nuages se sont amoncelés, ont noirci l'horizon et ont hâté la venue de presque nuit. Vous épargnant un peu plus de chaleur et de moustiques, chassant les plus insistants et vous prodiguant en quelque sorte un répit dans votre périple. Vous avez mangé de succulents orongles que Nikolai a soigneusement préparé. Vous aviez quelques branches sèches et de quoi constituer un feu qui vous permette de vous réchauffer à l'issue de cette journée. Envahi quelque peu par la fumée, vous pouvez profiter pleinement d'une soupe. Cette soupe, c'est un nectar après la pénibilité de votre voyage. C'est un velours qui s'étend sur vos papilles et qui les engourdissent. Vous êtes épuisé des tâches accomplies, du travail abattu dans ces journées qui se sont succédées pour triompher de l'obscure forêt. Le ciel est noir car il vous a dérobé les étoiles sous un nuage de ces pollens qu'ont drossé les vents depuis les hauts de Suresne. Une odeur forte imprègne l'air. Vous n'êtes pas en vos murs, aussi chaque élément de votre inventaire, de l'inventaire de l'expédition est compté, mais peut-être aurez-vous utilisé de votre baume qui permet d'endiguer la progression des maux qui sévissent au pays des égarés. Gaster, t'es-tu enduit le corps de ce baume du répulsif que recommandent les pères d'Octe de Point Défense? Bien sûr. Mmh. Et toi, Nalion? Oui, il ne s'agirait pas de prendre risques inutiles. Herman, as-tu trouvé le temps de satisfaire au rituel instauré par les doctes ou l'insistance de Henri Fromage t'aura enjoint à t'y dérober pour te consacrer à tes travaux d'accroche et d'écoute? Je ne m'y dérobe pas. Je ne me dérobe pas au labeur. Je ne me dérobe pas au prolétariat. Mais tu dérobes aux travaux de basse besogne tels que ceux que je m'y dérobe pour avancer en des travaux plus complexes encore. Mais... en des travaux plus vitaux encore que tes basses besognes. Sauf que mes basses besognes te permettraient de gagner du temps sur tes hautes besognes. Donc m'aider était dans ton propre intérêt. Enfin bref, je te laisse à tes hautes besognes. Tu en paieras cher. Tu paieras le prix d'avoir trahi les prolétaires. Quoi, c'est toujours, tu m'intéresses. Hein. Le baume est aussi un moyen d'éloigner la puanteur et les odeurs que dégage la vermine qui s'est installée dans les terres vides et vaines. Et pourtant, son effet, sa puissance et sa force dans cette nuit grise, plus que noire, grise des pollens chargés par les vents. Et comme estompé, c'est probablement la première fois où vous sentez aussi fortement l'odeur de forêt, son musc, sa présence. Toute sa force. À cette heure paisible, logiquement, des lectures saines sont données au réfectoire où vous prenez ensemble vos repas à Point Défense. Ici, les murs ont fait place à cette voûte souillée de phéromones, aux odeurs, aux fragrances singulières, inaccoutumées et troublantes pour vous, voyageurs. Et dans le calme qu'a su insuffler ce moment de partage commun, ressurgit le spectre que tous redoutent, la toux annonciatrice des mots, la toux annonciatrice des sévices qu'inflige Forêt aux uns et aux autres, celle qui vous dérobe à chacun le souvenir et vous éloigne un peu plus de votre condition de glaneur. Est-ce que vous êtes dans un état d'esprit qui vous permette de rejoindre l'esprit de vos pères, les glaneurs qui résident à Point Défense, qui cultivent patiemment leurs champignons et leurs savoirs, qui l'amoncellent jour après jour, tels de patients coléoptères, ou êtes-vous préoccupé par la fatigue, l'inconfort de ce temps et de la promiscuité nouvelle qui vous est imposée, loin du confort des cellules individuelles qui constituent un sas et vous préservent des rancœurs au sein de Point Défense. Gaster, est-ce que tu te sens à l'aise parmi les membres de l'expédition ou souhaiterais-tu t'isoler et t'abstraire de ta condition de planeur ? Nalion, et en as-tu soupé de ces sachants qui rabâchent leur savoir et souhaiterais-tu un effort salutaire et solitaire dans la forêt ? Serais-tu prêt à répondre à l'appel de la nuit dans la forêt pour, je ne sais, chasser quelques proies, te dégourdir l'esprit et le corps ? C'est très tentant, mais il faut que je surveille le camp. Tu es tout entier... Je dois surveiller le camp et je dois... Et en soi, je dois prouver que je dois être capable de le faire. Ce qui est singulier, c'est que ta mémoire aura été atteinte. Es-tu convaincu de ta résilience, de ta force de caractère, de ta force d'homme, de glaneur ? Es-tu de ceux qui considèrent que tu peux surmonter forêt ? Je pense. Pourtant, l'atout qui semait le trouble et qui est apparu alors que le vent forcissait et que vous trouviez tous contraints à rejoindre l'abri de votre tente, c'est celle qui a annoncé le retour de Serge Claude. Serge Claude, tu l'avais complètement oublié, celui-là. Un drôle de gars, un drôle de zèbre. De Librius, un bûcheron mal dégrossi dont tu te méfies quelque peu et qui a été erré loin du camp, loin de la protection et qui s'en revient. Altola, d'où viens-tu ? Je suis allé un peu plus loin voir le chemin. J'ai trouvé une sente, j'ai repéré une combe où nous pourrions trouver de quoi garnir notre havre sec pour les jours suivants, parce qu'il nous faudra bien revenir après. Non ? Un jour, peut-être entrerons-nous. Le vent a forci et d'une chaleur moite et étouffante, l'air est devenu froid, glacé. Vous avez tous pris des couleurs et le moment apaisant du repas s'en trouve éloigné, distancié. Le vent souffle et sens des voix que tu crois discerner dans la masse de vent, de souffle, de bruissement de feuilles. Est-ce l'appel de la forêt ? Qu'est-ce qui te rend si inquiet, Herman ? L'autre, là. L'ennemi du peuple. Je suis sûr qu'il va nous vendre au hors-là. Ce bourgeois, il veut tous nous avoir, nous, les prolétaires. Simplement parce qu'il est jaloux de notre construction idyllique d'un monde nouveau. Conforme-toi à tes idéaux. Le jour où vous aurez besoin de nous, vous rigolerez moins. Comme le dit notre notre messie Saint Marx, les armes de la bourgeoisie dont la bourgeoisie s'est servie pour abattre la féodalité se retournent aujourd'hui contre la bourgeoisie elle-même. Mais la bourgeoisie n'a pas seulement forgé les armes qui doivent lui donner la mort, elle a aussi produit les hommes qui doivent les manier. À part lire ton livre, ça les ouvriers modernes, les prolétaires. Bien ce que je dis, tu ne sais lire que ton livre. La tension qui monte est ponctuée sans cesse par les quintes de tout de Serge Claude. Forêt vous propose de réécrire l'une de vos perles de souvenirs. C'est en crâne que cela se situe. Serge Claude ne serait-il pas contaminé? Ne serait-il pas atteint par le mal sombre qui rôde, s'enchasse profondément dans les forêts et vient ronger les chairs des hommes? Combien de... Alors, je suis jaloux de ceux qui volent. Parfois, les horlas se glissent dans mes rêves. Mon cauchemar... Non, c'est un en crâne. Mon cauchemar est de devenir un horla. Non. Tu peux pas changer l'ordre que tu as imprimé. Donc, je choisis là-dedans. De ceux qui volent. C'est ma cible. Est-ce que tu en mises un autre? Non. Dans cette ligne-là. Celui-là, tu le mises aussi. Donc, si tu mises les trois, tu risques de perdre les trois. Ouais. Donc, tu lances 3D, s'il te plaît, Xavier. Cinq, trois, sept. Ce sont que des résultats pairs. Ce qui signifie que... Tu es convaincu que Serge Claude est contaminé. Celui qui a joué qui a dit Gaster un moment. C'était bon encore. La même proposition de réécriture se fait en crâne pour vous. Est-ce que... Oui, c'est l'opération qui est celui-ci. J'ai dit qu'il attaquait crâne et qu'il remontait, donc ça a un autre effet mécanique, c'est que tu dois... Un de ceux-là, tu le retires. Donc tu remontes un de ceux-là au-dessus. Tu vois, il faut partir de là pour remonter à chaque fois un. Donc là, dans gueule, il y en a un qui remonte. Je suis le roi de l'esquive qui remonte en tripe. Hop, celui-là qui remonte là. Hop. Celui-là. Voilà. Non, celui-là, ici. Hop, comme ça. Donc, Herman, suite à la proposition de réinterprétation de Forêt, qui considère que le sieur Serge Claude, le bûcheron, est contaminé, qu'es-tu prêt à miser en crâne contre... Simplement, les gens de Sarai, je ne peux pas miser. Après, moi... Juste, tu me... 5, donc ça a réécrit. Ce que j'avais pensé, c'est donc Georges Claude et... Serge Claude. Serge Claude est contaminé, c'est ça? Oui. Et bien, la contamination, c'est pas par rapport à la forêt, mais il est contaminé par rapport aux idées bourgeoises. Enfin, un truc comme ça. qui... Il est prêt, il est tout entier convaincu de son individualisme. Toi, est-ce que tu es pas en misé Pourquoi miser ? Tu peux accepter, mais d'accord. Tu peux... Oui, j'accepte. Donc, il y en a un que tu ôtes. Oui, oui. Que je remonte, et ainsi de suite. Ouais. Mais non, c'est vrai. C'est les gens de... Du coup, les gens d'Acerail, ça remonte. Ah non, parce que c'est réécrit. Oui, c'est réécrit. Il y en a un qui est réécrit et les autres remontent. Ouais, sauf que là, il n'y a rien. Là, ça remonte rien. Non ? Ouais, bah si toi, t'en as pas trois dans l'espace, ouais, c'est bon. Nicolas, il se tient... juste à côté de toi, Gaster... Et tu vois que ses mains sont agitées de tremblement. Il a l'air fiévreux. Son crâne lisse, chauve, qu'il entretient et qu'il rase quotidiennement, est luisant imprégné, ruisselant de sueur. C'est pas la chaleur du moment. Il a quelque chose, il a la fièvre. Il est comme absent. En revanche, Henri Fromage, votre docte, n'a pas l'air préoccupé par Nicolai. Mais il l'est plus par... le bûcheron Serge Claude qui est revenu isolément du bois et qui est pris de quintes de toux. Des quintes de toux qui manifestement sont pour lui inquiétantes. Où es-tu été traîné comme ça, toi ? Traîné, c'est vite dit. Ça finira par finir cette tempête. Attendons, et nous trouverons alors un endroit où il y a de bons champignons. Tu m'en diras tant, Serge Claude. Il faudra aussi récupérer du bois. Pensez, lorgnon. Du bois par ce temps. Attendons que la pluie ait fini de tomber. Hein ? Nous pouvons nous recouvrir et... je pourrais me recouvrir et aller couper et du bois seul. Ton bois, oui, à quoi sert-il s'il est humide ? Il est tout imprégné de pluie pour l'instant, ce bois. Là, ce qui nous préoccupe, c'est l'état de notre bûcheron, notre autre bûcheron. Hein, Serge Claude ? Qu'est-ce que tu tripotes, là ? Qu'est-ce que t'as été récupéré ? Rien, hein, j'ai fait une découverte, comment dire... adventive, c'est ça que vous dites, vous autres ? Hein ? C'est dangereux, tu aurais dû nous prévenir avant. Vous prévenir de quoi ? Prolétaire, camarade, on ne dit pas. On dit préventive. Préventive ? Ah. Découverte préventive ? Du moins, c'est l'appellation du parti. Nicolai tient dans ses mains son triche lumière et appuie sur le petit bouton, déclenche le déclic qui vous est maintenant familier et qui meuble les silences dans la communauté. Il passe un temps fou à utiliser son piège lumière et il l'inspecte et regarde avec une forme d'effroi non dissimulé ou que ses traits lisses peinent à dissimuler parce qu'il n'a que la chair sur les os, mais une chair toute tendue, toute parcourue par la fièvre. Le regard est inquiet. J'avais trouvé quelque chose de... Et il le pose sur la petite table pliante que vous avez emmenée et qui vous sert dans votre expédition. Deux concrétions grises, presque friables, en forme de cœur, comme si l'on avait arraché le cœur d'un cerf. Mais elles sont crayeuses, comme sèches, mais totalement desséchées. J'ai trouvé cette chose-là, ça me semblait bizarre autant qu'étrange. Ça doit être un cœur de cerf. Un cœur de cerf qui aura séché tout son sou sous la pluie. C'est pas crédible. Étrange. Je me revois avec lui, dit Nikolai. Avec lui, dit lui. Avec Anton. Anton ? Qui est ce Anton dont tu nous parles ? C'est étrange, depuis qu'il a posé cette pierre, je me sens différent. Qui est-il, Nikolai ? Elle contient un étrange... un étrange pouvoir, comme si je me tenais là, au seuil du sanctuaire, et que je contemplais tout le savoir accumulé des éons par nos frères glaneurs. C'est un puissant artefact que vous avez exhumé là... Serge Claude. Je sais pas, j'ai trouvé ça dans la champignonnière. Je l'ai ramené. Je me suis dit, ça pouvait toujours servir. Hein ? Pourquoi pas ? Mais t'as vu que ça... Ça nous mènera sur une quelconque piste ? Hein ? Je suis pas si sûr de ce que tu racontes là, vieil homme. C'était dans un trou. Je me tenais à l'orée de cette béance là. Un immense trou. Et je l'ai vu briller là dans l'obscurité. Briller, c'était des lueurs comme les jours d'orage sec, lorsque la lumière dans le noir est parcourue de couleurs, des couleurs comme l'éclair, ouais, comme les glaviots. Dans un sang. Mon Dieu, justement. Cette tour ne m'étonne pas. T'as joué quelque chose, en effet. Il aura été contaminé. Je m'éloigne de ce qu'il a fait. Éloignez-vous de lui. Je m'éloigne. Il prend dans sa besace son espèce de gypsière de cuir rigide, l'on sort une longue seringue. Il va falloir opérer Serge Claude avant que le mal ne nous gagne tous. Tu comprends, hein, mon ami, hein. Là, il faut la forte dose. Immobilise-le. Allons. J'ai rien fait, moi. C'est pour ton bien. Fais-nous confiance. Lorsque tu saisis son bras, tu vois quelque chose d'étrange. Dans la pénombre, dans le prolongement de son corps, sous les auspices du feu, tu aperçois un crâne d'un grand cerf, avec ses bois déployé et qui forme comme un instrument. Des cordes sont tissées depuis les hauteurs du bois, ils vont rejoindre comme l'ossature des ailes d'un oiseau, le museau, pour former une espèce de harpe fantastique. Et là, près de la tête, il y a d'autres vestiges d'un cérémonial quelconque. Tu n'es pas dans ce lieu, tu es probablement là où il a trouvé le cœur. Et toi aussi, tu le vois bien évidemment, Gaster. Alors je me mets vite à lâcher son bras, je dis, cet homme est dangereux. Et toi aussi, tu le ressens. Tu ressens les boucles de ce l'orage sec qui vous a amené jusqu'ici, qui vous a perdu dans vos souvenirs et dans l'oubli, où tout se mêle. Mes frères, il nous faut nous tenir face à ce fléau qui veut enlever au prolétariat tous ses droits, tout son avenir. Là, près de la tête muée en un instrument, peut-être un gramotruc, peut-être est-ce ça. C'est sans doute le gramotruc qui était dans la fosse. Mais à côté de la fosse, il y a une ombre. Cette ombre, c'est un homme. Un homme qui dit à... Serge Claude, honneur à l'homme des bois. Et Serge Claude, merci à l'homme des bois. Mais sa voix est altérée. Ce n'est plus sa voix. Sa voix a le même grain que celle de cette silhouette entreaperçue. L'instant fugitif où vous l'avez saisi, tu l'as lâché, tu l'as maintenu. À ce moment-là, Henri Fromage appuie sur la seringue hypodermique. Serge beugle à la douleur ressentie lorsqu'il enfonce profondément la pointe dans sa sphère charnue. Fin d'épisode.